Le problème avec le catholicisme, c'est qu'on peut le fusionner avec n'importe quoi d'une certaine façon parce que c'est magique. C'est qu'on le veuille ou pas, là. Il y en a, ils vont être choqués de ce que je dis là. Mais la transubstantiation puis la messe, c'est des affaires de magie qui nous viennent tout droit de l'Antiquité, quelque part, qui ont été adaptées. Donc, oui, c'est pas pour rien que les vaudois en Haïti, ils ont fusionné le catholicisme et le vaudou ensemble. Ça se fusionne bien au niveau de la forme, en tout cas, là, parce que c'est sûr que les gens qui sont dans le catholicisme officiel, ils voient ça comme épouvantable. Mais bon.